Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 99. Des enfants quant au corps. Ils n'auraient pas eu tout d'abord l'usage parfait de leurs membres. Ils seraient nés des femmes. 1. Les enfants, dès leur naissance, auraient-ils l'usage de leurs membres? Les enfants n'auraient pas eu immédiatement après leur naissance le développement corporel qui se remarque dans l'âge mûr. Ils n'auraient pas joui non plus, dès ce premier moment, du libre usage de leurs membres, mais ils auraient pu faire toutes les actions propres à leur âge. Leur volonté, toujours droite, n'aurait rien désiré qui ne fût conforme à leur état. Voilà ce que nous jugeons, d'après les lois de la nature, sur une question où l'autorité divine n'a pas voulu nous éclairer. 2. Seraient-ils nés des femmes dans l'état primitif? Il y aurait eu, comme maintenant, des enfants de différents sexes, et vraisemblablement le nombre des hommes aurait égalé celui des femmes. La perfection de la nature humaine requérait la différence des sexes, comme la perfection de l'univers demandait la diversité des êtres. La Genèse nous apprend que Dieu, dans la création, avait fait un homme et une femme, constituant ainsi la nature humaine. On ne voit pas pourquoi la nature humaine n'aurait point suivi dans la génération les lois que Dieu avait posées en la créant.